peut-être là-bas, peut-être oui ou peut-être pas, peut-être un jour, peut-être jamais, peut-être un rêve ou peut-être en langage d'amour comme il disait. Attends-moi la promis, je reviendrai. Les années courent, elles oublient le passé. On tourne la page, la vie est bien trop pressée. Une idée géniale, soudain, à cet inconnu, tu lui prends la main. Regardons ensemble vers un même destin, avec l'intime espoir que tout se passe bien. Que dérisoire quand on suppose la lumière au bout du couloir. Avec beaucoup de si sans se forcer, on brûlait d'une flamme bien amorcée. Peut-être, peut-être, peut-être. Des faits, des pensées, des actes pour prouver. Trop de phrases, toute vie dans rien de trouver. Puisqu'il faut avancer, tout est abreuvé. Quoi qu'il arrive, le passé t'a jamais gravé. Les tristes soupirs font place à la joie. Quand on se joue béni, l'esprit change sa loi. Et si sur les pires sujets tu t'apitoies, le loin en l'autre triomphe et tout se nettoie. Jeter au placard, te contenter de ton nouvel avatar, et surtout ne pas débarquer en retard. Peut-être là-bas, peut-être ici, peut-être au soleil, sinon sous la pluie. Peut-être le bon choix ou une fausse voie. Peut-être si t'y crois ou si t'y crois pas. Peut-être. Thank you.